On est passé d'un âge à un autre sans s'en rendre compte. Les problèmes du quotidien, la vie en général qu'on affronte. L'école j'ai négligé, j'avais pas assez de recul pour penser. Et quand on prend conscience, c'est toujours trop tard qu'on le sait. T'as beau parler, expliquer aux jeunes, ils t'emmerdent. Mais à 30 ans, t'as plus les mêmes repères qu'à 16. Grandir, c'est connaître la trahison, la jalousie des proches. Si tu passes la décha, un franc en poche. On a su rester soudés, mais pas sans rupture. Grandir, c'est pouvoir cicatriser les coupures. Penser les plaies d'orgueil, jeter le shit, les feuilles. Quand tes potes ils s'injectent, la mort circule. Cercueil où la sauce comme ultime demeure. Dans les tests, des princes et des princesses meurent. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte, c'est ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie. Tu dois connaître aussi noir, arabe, premier de la classe. Surdiplômé mais trouve pas de taf. Combien de proches à nous dans la cité sont devenus fous à cause de rêves brisés. Et quand tu perds chez nous, cousin tu perds tout. Grandir c'est voir tout ça, envie d'avoir tout ça. Demande-toi pourquoi ici on rêve de mer côte portée gosse là. Jeune, fougueux, on finit et gris sans sève. Travaille à l'usine chaque jour qui se lève. J'aurais pu mieux finir, peut-être mal finir. Quoi qu'il en soit, grandir, du désespoir se vêtir. Un gamin plein d'illusions. Je rêvais de maintenant, mais je voudrais revenir maintenant que je suis grand. Tout le monde vient pas du neuf. Et même bonhomme avec un travail, des responsabilités, une femme. On dit toujours quand je serai grand. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte, c'est ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte, c'est ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie. On reste unis comme Cool Chain et For My Peeps. Malgré les aléas de la vie, je t'explique. Veine coupe et béton prisonnier. Grandir en perpétuel décalage avec le reste des gens. Tu restes avec cette plaie béante qui saigne depuis l'enfance. Juge te fait découvrir la vie de millions d'enfants d'immigrés. Je voudrais pas te faire pleurer mais constate. Grandir c'est survivre sans APL qui paie l'appart. Sans RMI, dis-moi qui mange. Dans ma cité certaines SB qui ça dérange. Maintenant pose des textes vécus sur un disque majeur. J'aurais tant voulu que Nadir partage notre bonheur. Moustaphe, je t'aime refrain. Karim, je t'aime refrain. Indivisible dans le cœur, on reste unis, NAP. Avant on avait des rêves, aujourd'hui on les réalise. Grandir c'est se blaser en l'an 2000, mon analyse. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte, c'est ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte, c'est ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte, c'est ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie. Comme c'est dur de grandir, comment revenir au temps. Plus rien n'est comme avant, au fond. On sait tous comment va la vie, personne n'accepte, c'est ça l'ennui. D'où on vient, on nous a pas appris à grandir. C'est ça la vie, c'est ça notre vie.